porte de la nuit, oppressante et troublante, que chacun trouve refuge en demeure et sommeil, à l'abri du regard des cauchemars qui les hantent, sortent de leur cache les damnés du soleil. Invisible guide, l'obscurité sinueuse, infiltre chaque lieu dans son manteau de crainte, soignant les insomnies d'une cure consciencieuse, afin que nulle oreille n'entende la douce plainte. Le royaume nocturne reprend alors son tour, à l'écoute du chant des loups fantomatiques, battant la campagne rondante alentour, dévorant ici et là quelqu'un prudent sceptique. Après les retrouvailles et les rires bestiaux, vient le chaleureux hommage à la dame blanche. La modeste chorale entonne les chants du Pio, qui sont au scepticisme diurne au temps de revanche. La maîtresse d'Albâtre à nouveau s'évapore, car le voile mystérieux de la nuit se déchire, sous l'insistance et les coups de plus en plus forts du soleil et de ses impitoyables sbires.